Après cette longue série de préceptes, j'ai fait une place à part pour ce qui concerne les rapports entre les hommes et les femmes, car ces préceptes reviennent sans cesse en plus de la sourate 4 intitulée Les femmes. Hiérarchie, pudeur, mariage, divorce, adultère, héritage, etc. Rien n'échappe à la loi divine. Quelques généralités d'abord. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créés tous d'un seul homme. De l'homme, il forma sa compagne et fit sortir de ces deux êtres tant d'hommes et de femmes. Respectez les entrailles qui vous ont porté. Allah observe vos actions. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Allah a élevé cela au-dessus de celles-ci et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises. Elles conservent soigneusement pendant l'absence de leur mari ce qu'Allah a ordonné de conserver intact. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l'inobéissance. Vous les relèguerez dans des lits à part, vous les battrez. Mais aussitôt qu'elles vous obéissent, ne leur cherchez point querelle. Allah est élevé et grand. Si vous craignez une scission entre les deux époux, appelez un arbitre de la famille du mari et un autre, choisi dans celle de la femme. Si les deux époux désirent la réconciliation, Allah les fera vivre en bonne intelligence, car il est savant et instruit de tout. Les femmes sont votre champ. Cultivez-le de la manière que vous l'entendrez, ayant fait auparavant quelque acte de piété. Craignez Allah et sachez qu'un jour, vous serez en sa présence. Ils t'interrogeront sur les règles des femmes. Dis-leur, c'est un inconvénient. Séparez-vous de vos épouses pendant ce temps et n'en approchez que lorsqu'elles seront purifiées. Lorsqu'elles se seront purifiées, venez à elles comme vous l'ordonne Allah. Il aime ceux qui se repentent. Il aime ceux qui observent la pureté. La pudeur, ensuite, et le fameux voile. Comment aux croyants de baisser leur regard et d'être chastes? Ils en seront plus purs. Allah est instruit de tout ce qu'ils font. Commande aux femmes qui croient de baisser leurs yeux et d'être chastes, de ne découvrir de leurs ornements que ce qui est en évidence, de couvrir leurs seins de voiles. Ô prophète, prescris à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants d'abaisser un voile sur leur visage. Il sera la marque de leur vertu et un frein contre les propos des hommes. Allah est indulgent et miséricordieux. Le mariage. N'épousez pas les femmes qui ont été les épouses de vos pères. C'est une turpitude, c'est une abomination et un mauvais usage. Toutefois, laissez subsister ce qui est déjà accompli. Il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et maternelles, vos nièces, vos nourrices, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, les filles confiées à votre tutelle et issues de femmes avec lesquelles vous auriez cohabité. Mais si vous n'avez pas cohabité avec elles, il n'y a aucun crime à les épouser. N'épousez pas non plus les filles de vos fils que vous avez engendrés. Si le fait est accompli, Allah sera indulgent et miséricordieux. N'épousez point les femmes idolâtres tant qu'elles n'auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre idolâtre, quand même celle-ci vous plairait davantage. Ne donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru. Un esclave croyant vaut mieux qu'un incrédule libre, quand même il vous plairait davantage. Ô croyants, lorsque des femmes fidèles viendront chercher un asile parmi vous, éprouvez-les. Si elles professent sincèrement l'islam, ne les rendez pas à leurs maris infidèles. Allah défend une pareille union, mais vous devez rendre à leurs époux la dot qu'ils leur ont donnée. Il vous sera permis de les épouser pourvu que vous les dotiez convenablement. Vous ne garderez point une femme infidèle, mais vous pouvez exiger d'elle ce que vous lui avez accordé par le contrat. C'est le précepte d'Allah. Allah donne des préceptes. Il est savant et sage. Si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, n'épousez que peu de femmes, 2, 3 ou 4, parmi celles qui vous auront plu. Si vous craignez encore d'être injuste, n'en épousez qu'une seule, ou une esclave. Cette conduite vous aidera plus facilement à être juste. Assignez librement à vos femmes leur dot, et s'il leur plaît de vous en remettre une partie, jouissez-en commodément et à votre aise. Celui qui ne sera pas assez riche pour se marier à des femmes honnêtes et croyantes prendra des esclaves croyantes. N'épousez les esclaves qu'avec la permission de leur maître. Dotez-les équitablement, qu'elles soient chastes, qu'elles évitent la débauche et qu'elles n'aient point d'amant. Que ceux qui ne peuvent trouver un parti à cause de leur pauvreté vivent dans la continence jusqu'à ce qu'Allah les ait enrichis de sa faveur.